Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, de l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Tahmounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafidhahullah Ta'ala, cours numéro 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. قبل أن نكمل أقرأ عليكم فائدة جميلة في البدعة. كنا ذكرنا أن البدعة التعبد لله عز وجل بما لم يشرع, هذه البدعة طريقة مخترعة. Et on avait dit ça peut être un rajout, هذا واضح, quelqu'un rajoute. كذلك ça peut être le fait de délaisser une chose. Et on a trouvé un kalam de l'imam Al-Shatibi rahimahullah Abu Ishaq في كتابه النافع الاعتصام. هذا الكتاب c'est un kitab جميل جدا. الاعتصام c'est le cramponnement. Il t'explique هذا الامام في هذا الكتاب النافع la gravité de l'bid'a et les dangers de l'bid'a. Et il t'explique la définition de l'bid'a. Et il t'explique pourquoi les gens ils font des bid'a. Yustafad min hadha al-kitab. Et il a cité un chapitre, rahimahullah, faslun, dans ce qu'on a cité. Et le fait de délaisser une chose, ça peut être une bid'a. Et on a, nous l'avait dit, on a, dès qu'on entend bid'a, automatiquement on pense au rajout. Et c'est ça, la plupart des bid'a. Ça va être min hadha al-bab, les gens ils rajoutent. Lakin ça peut être kadhalik le fait de délaisser. On lit son kalam rahimahullah. Qala Abu Ishaq Al-Shatibi rahimahullah. Wa fil had aydan. Ay il a expliqué le ta'rif. Ay le fait d'inventer une chose fait din, on l'a vu hier. Thumma qala wa fil had aydan ma'na akhar mimma yunzar fi. Wa huwa anna al-bid'a min hayth ما قيل فيها إنها طريقة في الدين مخترعة. C'est ça البدعة. T'inventes une chose في الدين. قال يدخل في عموم لفظها البدعة التركية. Le rajout et كذلك le fait de délaisser. Ça peut rentrer في البدعة. قال رحمه الله فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمتروك أو غير تحريم. إن الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه. مثلا une chose c'est halal, la viande. واحد il se dit là pour moi c'est haram, c'est une bid'a. Sa aqida hadi c'est une bid'a. Cette croyance qu'il a que pour lui مثلا la viande c'est haram, c'est une bid'a. بعض الناس il décide مثلا il veut pas en manger pour quelque raison, tant qu'il a pas ce aqida il fait ce qu'il veut, c'est pas obligé de manger de la viande. لكن s'il a ce aqida يلبس عليه إبليس أنه مثلا لا بيون pour lui c'est haram, c'est une bid'a. لأن التحريم c'est un حكم et في شرع الله la viande c'est halal. Bien sûr tant qu'elle est gorgée pour Allah, tant que c'est pas une chose qu'Allah il a interdit, c'est halal. هذه العقيدة الآن il est tombé في البدعة. قال الشاطبي رحمه الله قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه أو يقصد تركه قصدا. قال فهذا الترك إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعا أو لا. الآن ce délaissement de cette chose ça dépend de la niya de la personne. Ce délaissement il peut le faire tomber في البدعة et ce délaissement il peut être مباح بل il peut être واجب. On a déjà dit la بدعة ça dépend de la niya de la personne. فمثلا tu peux avoir trois personnes. Une personne, il délaisse la viande, l'Iyanna, il n'aime pas. Ah, c'est moubah, il fait ce qu'il veut. Il ne mange pas de la viande, ça revient à lui. Deuxième personne, il délaisse la viande, l'Iyanna, maintenant, le docteur, il lui a dit, tu dois délaisser la viande maintenant pendant une semaine. Si tu manges, ça va te faire du mal. Ah, ça peut être wajib qu'il la délaisse. L'Iyanna, la personne, il n'a pas le droit de se faire du mal. Si c'est un tabib de confiance, et il lui montre, Anna, pendant une certaine période, il doit délaisser cette chose, sinon, maintenant, il a une maladie, elle peut s'empirer. C'est wajib, c'est obligatoire. Il ne mange pas de viande cette période. Troisième cas, il délaisse la viande. L'Anna, il croit que ça fait partie de la piété. Et si je délaisse la viande, il croit que sa foi, elle va monter. Ou il croit qu'il va être meilleur qu'un autre. Ou il croit que c'est mieux, fait din. Hadith, c'est le bid'a. Enfin, le délaissement, comme on l'a expliqué hier, ça dépend de la niya. قال كالذي يحرم أو يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه وما أشبه ذلك فلا مانع هنا من الترك. نعم si le dénesse parce qu'il y a une raison, on a donné l'exemple au docteur, il lui dit مثلا tu dois pas manger de viande pendant un certain temps, فهذا لا شك c'est matlou, ça peut être wajib, ça peut être meilleur, ça peut être المهم il a le droit. قال بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض كان الترك هنا مطلوبا. نعم si c'est pour تداوي ça peut être واجب, التداوي قد يكون واجبا. يا عباد الله تداووا, هكذا قال نبي الله صلى الله عليه وسلم, لا يجوز الإنسان أن يهلك نفسه. قال بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض كان الترك هنا مطلوبا وإن قلنا بإباحة التداوي فالترك مباح. هذا ça revient à ça dépend cette maladie, ça dépend le délaissement. Al-Muhim, nous ce qu'on veut vous faire comprendre, le délaissement ça dépend de la niya. Faut pas comprendre que une personne il délaisse une chose, khalas, il est tombé fil bid'a. Man taraka shay'an min dinillah waqa'a fil bid'a. Hada ghayr sahih. La, ça dépend pourquoi il délaisse. Et la chose qui délaisse, sa niya. Thumma après avoir cité que tu peux délaisser une chose, li'anna t'en a besoin. Ah, t'as besoin de ce délaissement, maintenant ça te fait du mal. Ah, ou le docteur il t'a ordonné de délaisser cette chose pour ta santé. Ah non, on a dit c'est mauvais. Ça peut atteindre le niveau de l'obligation, on a expliqué. Maintenant, prends l'exemple de la viande. Celui qui la délaisse, ça peut être une raison de santé. Un, si c'est pas pour cette raison, ça peut être imma il le délaisse parce qu'il croit que ça fait partie du din, ou une autre raison. Matalan, une autre raison, il aime pas. Hada, il fait ce qu'il veut. S'il aime pas, il en mange pas. Lakin al-an huwa il va accentuer sur ceux qui délaissent par rapport au din. Qala fa in lam yakun tadayyunan fattarik 'abid bi tahrimi al-fi'l aw bi 'azimati 'ala at-tark wa la yusamma hada at-tark bid'ah. Matalan, on prend l'exemple de la viande. S'il la délaisse, c'est pas une bid'ah. قال وأما إن كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين. celui qui délaisse une chose تدينا c'est ça le bid'a. مثلا il délaisse une sunna ou même quelque chose de mubah qui n'est pas dans le din et lui il pense que ça fait partie du din, c'est une bid'a. Même s'il délaisse une sunna, l'anna c'est quoi qui le fait tomber dans le bid'a? C'est pas son délaissement, c'est la aqida, c'est ce qui l'a poussé à délaisser. Qala id qad faradna al-fi'l ja'izan shar'an fa sara at-tark al-maqsud mu'aradatan lish-shar' fi shar' at-tahlil li'anna hadha al-an yu'arid ash-shari'a. Huwa id la hadha c'est pas min ad-din. Ou le contraire, الشريعة على ديك ستو شوز الفا بارتي دو الدين, هو يدي سي الفا بارتي دو الدين. هذه هي البدعة. البدعة سي تانفونت اون شوز في الدين كو سا سوا ان راجو او اون ديمينيسيون ان دي دو. ثم قال في الاخير فان قيل فتارك المطلوبات الشرعية ندبا او وجوبا هل يسمى مبتدعا ام لا؟ celui qui délaisse quelque chose de الدين كو سا سوا ان اوبليغاسيون او quelque chose qui n'est pas obligatoire, recommandé. فمن ترك واجبا أو ندبا مستحبا هل يقال فيه مبتدعا عندما؟ Si vous avez compris, الآن vous pouvez répondre. Celui qui délaisse une ibada obligatoire ou recommandé, est-ce que c'est un مبتدع il est tombé في البدعة؟ عندك؟ أحسنت. إذا قصد بالترك التعبد وقع في البدعة. أما إذا تركها تكاسلا أو ناسيا أو سهوا هذا صدقه. Si il l'a maintenant délaissé par fainéantise, c'est un pécheur. C'est pas un mubtadi. Il a pas fait de bid'a. Il a fait un péché. Si il l'a délaissé par oubli, lâchez allez. Rabbana la tuakhidna in nasina wa akhtana. Si il l'a délaissé par erreur, lâchez allez. Il y a rien. Celui qui se trompe, celui qui oublie. Allah, anta, tu comprends, mitla hadil umur. Les anna ba'dan nas, ils comprennent pas ces choses, ils mettent les gens tous au même niveau. Pourquoi on insiste souvent anna al-hukm ala nas, c'est pas simple. C'est pas chaque fi'l fera le même hukm. Abadan. Ça dépend la niya de la personne. Ça dépend est-ce qu'il a des choubains. Ça dépend. هذا الأمر الإنسان يتحرى فيه جدا. قال الإمام الشاطبي فالجواب. Il va répondre à la question. إن التارك للمطلوبات على ضربين. Celui qui délaisse une ibada, qu'elle soit obligatoire ou recommandée, il y a deux niveaux, deux sortes de personnes. قال الأول أن يتركها لغير التدين إما كسلا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية، فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر، فإن كان في واجب فمعصية، وإن كان في ند فليس بمعصية. الآن الضرب الأول lui sait que ça fait partie du deal. لكن il a des laisses, il m'a pas fait fainéantise, il ne veut pas la faire, il m'a il a une raison. Ça dépend de cette chose. Si la délaisse par fainéantise, c'est un pécheur. Si c'est obligatoire. Si la délaisse par fainéantise et c'est recommandé, la chez Ali. La ithm Ali. Léana, hada chez Ali Moustahab. Si la délaisse par oubli, ou alors c'est une obligation, la chez Ali. Il la rattrape quand il se rappelle. Si c'est une chose qui se rattrape. Tout ça, on l'a détaillé fait le refus. Fahada d'arbul awwal. Al-Muhim, est-ce que ce premier qism, c'est une bid'a? Indaman? لا ابدا سببا ادخل بدعه لماذا القسم سببا بدعه لماذا هذا الضرب الاول القسم الاول لماذا لا يكون بدعه احسنت لا يعتقد ان الترك هذا الشيء من الدين قال الثاني ان يتركها تدينا فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تدين بضد ما شرع الله الضرب الثاني انه يترك هذا الشيء تدينا سين بدعة ولو سي كيك شوز دو مستحب ولو سي كيك شوز دو واجب اما حكم لا بيرسون سا ديبون سي مثلا يدي الصلاه سي با اوبليغاتوار سان كافر بالله عز وجل سا ديبون سي سي سنه سي لين شبهه على كل حال سين بدعة اي سا بو اتاند لو نيفو دو كفر البدعة اون ريكابيتول تو Ça peut être une chose de rajouter Feddin avec une aqida, ça peut être une chose de délaisser Feddin avec une aqida. Aqida que cette chose, c'est ça la religion. C'est ça le bid'a. Aïe, il prétend que la religion c'est une chose que le prophète il nous a pas montré, ou qu'il a pas fait, ou qu'il a pas cru. C'est ça le bid'a. Tariqa mukhtara'a. Imma ziyada ou nuqs. Qala fa idhan, qawluhu fil had, aïe fil ta'rif, ta'rif le bid'a. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يشمل البدعة التركية كما يشمل غيرها لأن الطريقة الشرعية أيضا تنقسم إلى الترك وغيره الإمام الشاطبي لا رزمي أن ça peut être un rajout في الدين ça peut être une diminution في الدين pour rapport à la عقيدة la personne on a expliqué قال وسواء علينا قلنا إن الترك فعل أم قلنا إنه نفي الفعل على الطريقتين المذكورتين في أصول الفقه وكما يشمل الحد الترك يشمل أيضا ضد ذلك وهو ثلاثة أقسام قسم الاعتقاد قسم القول قسم الفعل ce qu'on a cité hier la parole sur le ça peut être un rajout une parole ou une croyance ou un acte كذلك l'inverse ça peut être délaisser une parole délaisser une croyance délaisser un acte avec la aqidah ça fait partie du deal les deux cas c'est une bid'a قال فالجميع أربعة أقسام أي les trois qu'il a cité est tar قال وبالجملة فكل ما يتعلق بالخطاب الشرعي يتعلق به الابتداء والله أعلم tout ce qu'on a vu في الأصول الواجب المندوب tout ça c'est une aqida أنه ça fait partie du din alors que ça fait pas partie أو ça fait pas partie alors que ça fait partie تدينا c'est une bid'a هذا الخلاصة والله تعالى أعلم راجع كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي المجلد الأول طبعة ابن الجوزي المجلد الأول صفحة 56 فوليوم 1 باج 56 دو سيت طبعة الحمد لله on avait cité نحن cette parole لكن l'appui avec كلام أهل العلم c'est أفضل هذه لا بد منها يا جماعة dès que vous parlez خاصة dès que des gens t'écoutent tu prétends une chose appuie toujours tant que tu peux avec kalam ahl al-ilm لأن si tu dis une chose personne l'a dit c'est tariqat al-bid'a دائما tu cites une faïda ou t'as une référence حتى si واحد il demande pas la référence اما on ouvre ce bab et chacun parle et on parle sans les paroles de savant là ça c'est pas taïb خاصة pour le débutant débutant il peut mélanger des choses il croit que Cheikh Foulan il a dit il cite la faïda ça n'a rien à voir c'est déjà arrivé Foulan il dit Cheikh Foulan il a dit taïb ah oui prétend une chose kada kada tu lui dis c'est qui a dit ça imma il sait pas trop c'est grave ah oui te dit Foulan il a dit tu viens vérifier la référence ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit dès que tu cites un kalam t'as un imam avec toi vous vous rappelez de la parole d'imam Ahmed c'est quoi la parole d'imam Ahmed ahsan bil arabiya man yadhkurha أحسنت لا تتكلم في مسألة ليس فيها معك إمام فعلى كل حال البدعة ça peut être un délaissement, comme on a expliqué la parole de l'imam al-Shatibi, ça revient à la aqida. Alhamdulillah. Nakmil al-an al-dars. Qala al-imam ibn Qudama rahimahullah wa qala Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Adrami بفتح الراء بعضهم يقول بالضم الأدرمي اسمه في الحقيقة كأنه وهم الإمام ابن قدامة أما أخونا أبو العباس حفظه الله ذكر أن اسمه هو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن محمد ابن إسحاق الأدرمي أما هنا قال محمد ابن عبد الرحمن فكأنه حصل وهم والله أعلم المهم أنه معروف بالأدرمي قال لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها الأدرمي من أهل السنة وهذا الرجل تكلم ببدعة الآن هذه المناقشة نافعة جدا نافعة جدا vous allez voir comment il va lui répondre et أنت بإذن الله ça va te servir هذا لأن cette طريقة في الحقيقة elle te sert pour toutes les بدعة dès que quelqu'un il te cite une بدعة et tu veux lui montrer qu'elle est fausse la طريقة qu'il a cité هذا الإمام elle est طيبة جدا قال لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها كيفين بدعة إذا فعل شخص بدعة هل هذا الشيء الذي تفعله علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة هذا السؤال الأول قال لم يعلموها tu pourras répliquer là tu pourras lui dire pourquoi tu fais une chose que le Rasoul il a jamais fait ça implique des choses graves لكن المشكلة نحن الآن des fois بعض الناس ils polémiquent avec des gens والله il renforce le مبتدع dans ses positions لأنه il n'a pas de علم Ben, c'est le Moubtadi'a qui prend le dessus. Et le Moubtadi'a, il croit qu'il a raison. Pour l'Afdal, comme on va voir, c'est les délaissés. Aslan, pas n'approche avec eux. Qala lima, ou qala lam ya'lamouha. Aïe, hal alimu hadha shay al Moubtadi'a, ça yakoul lam ya'lamouha. C'est grave là, hein. Il prétend une chose, connaître une chose que le Rasoul, il ne sait pas. Qala fa shay lam ya'lamouha haoula, a'alimtahu anta. Aïe, cette chose. Tu reconnais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas cette chose. Est-ce que c'est toi, tu la connais, le prophète il la connaît pas? Est-ce que tu as plus de ilm que le rasoul dans cette mas'ala? Qala ar-rajul fa inni aqul qad 'alimuha. Talawun ahl al-bid'ah. Vu qu'il sait que c'est grave le fait de dire que na'am, moi je sais cette chose et le prophète il l'a pas su, c'est grave, tu te dis. Vu الإمام هذا الأدرمي إلا بلوكي كيس كي لدي رجل لدي سيبون سيبون الرسول إلا كن إلا سيب تلول سيسا أهل البدع تلو بلوك لا يغلى تلو بلوك لا يغلى هكذا لا يبالي قال قد علموها قال أفوسعهم ألا يتكلموا به الآن إلا شأن الأدرمي إلا يدي الآن تبخطو كي كون السيد شوز لماذا إلا نبا دي لماذا on a aucun hadith le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a dit faites le maulid لماذا ça deuxième étape si le prophète il a connu cette chose لماذا il nous l'a pas enseigné ça va impliquer quoi ça va impliquer que le prophète il savait une chose et il nous l'a pas montré والعياذ بالله alors que le nabi صلى الله عليه وسلم tout ce qu'il a su fait de dîn il nous l'a montré enfin deuxième étape il va être bloqué نفس الشيء قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته انت قال الرجل فاني اقود قد علموها قال افوسعهم الا يتكلموا به ولا يدعو الناس اليه ام لم يسعهم قال بلى وسعهم قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك انت الادرمي il va le bloquer il va lui dire al an tu prétends que Rasoul صلى الله عليه وسلم il a connu il savait cette chose et il a pas appelé les gens ça لماذا انت t'appelles à cette chose Al-An, il se contredit. Liana, toi, tu sais cette chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a sait. C'est ce qu'il prétend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas appelé. Pourquoi t'appelles Anta? Le fait que t'appelles, tu contredis le Rasoul. Ça, c'est en disant que le prophète, il a su une chose et il n'a pas appelé. Lakin, ça, c'est batel. Lakin, Al-Adrami, il lui montre avec son kalam, il se contredit. Pourquoi tu t'arrêtes pas comme le prophète? Soit disant, le prophète, il a su cette chose, il sait-tu. Enfin, Anta, tu sais cette chose, tais-toi. C'est ça, si tu veux vraiment suivre la sunna que tu prétends. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاء لا يسعك أنت فانقطع الرجل. Les deux cas, il l'a bloqué. Fa rahimahullah. فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعهما وسعهم لأن هذه المناقشة كانت عند الخليفة. فالخليفة dès qu'il a vu que le sunni l'a pris le dessus et que le sunni l'a démontré, أن le prophète صلى الله عليه وسلم s'est arrêté là. Pourquoi toi tu veux dépasser le prophète? Al khalifa il était d'accord. Il n'y a pas de khair celui qui veut essayer de dépasser le rasoul. أبدا. هذه القصة مشهورة لكن فيها كلام أي في سندها. قال الإمام الذهبي رحمه الله هذه القصة مليحة وإن كان في طريقها من يجهل ولها شاهد. ثم ذكر القصة مشهورة القصة لكون عند أهل العلم حتى في بعض الأسانيد تتخف دي مجاهل إلى آخره لكن العلماء اللي أكسبتي على بزيخ طرق على دي شواهد فالله أعلم على الثابتة لكن بعض العلماء يقولون أن هذه القصة ليست للأدرمي بل للإمام أحمد. بعض العلماء يقولون أن القصة كانت بين الإمام أحمد رحمه الله ورجل من أهل البدعة. على كل حال نحن نستفيد القصة والحجج كيف يرد على المبتدع هذا سواء كانت للإمام أحمد أو للأدرمي أو غير هؤلاء من الأئمة. الأمر سهل والقصة مشهورة ومضمون القصة طيب. بالنظرة هذه أو غير مخلوق. نعم. عندك هذا في الحاجية؟ هذا. نعم. الذين يقولون أن المناظرة كانت مع الإمام أحمد هذا لا شك في القرآن. مسألة القرآن ستأتي معنا إن شاء الله في الواسطية بإذن الله نذكر قصة الإمام أحمد محنة الإمام أحمد رحمه الله بالتفصيل. قال رحمه الله وقال الإمام بن قدامة رحمه الله وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. نعم. Celui que la sunna lui suffit pas, la yaqtani bi sunna, fa bimada sa yaqtani? Tu trouves بعض الناس, tadkur lah, قال الله, قال الرسول. Madri kam hadith, kam ayat, aqwal ahl al-ilm, kullu hada la yaqtani. Fa hada ili ala khatar, qalbuhu marid. Amma al-muslim yastaslim. Lakin shuf ahl al-bida' wa al-talawun fi al-din. Chaque jour, un nouveau visage. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة. وعلى كل حال قلنا نحن سواء كانت للأدرمي أو للإمام أحمد أو غيرهم الأمر سهل. المهم نستفيد ونفهم القصة. قال الشيخ ابن عثيمين لم أطلع على ترجمة للأدرمي ومن معه ترجمته في التهذيب تهذيب الكمال للحافظ ابن حجر. نعم فترجمته موجودة وهو ثقة وثقه أبو حاتم والنسائي فهو من رجال التهذيب تهذيب سانليف غدو ابن حجر رحمه الله en plusieurs volumes et cite la biographie des rapporteurs de hadith منهم الأدرم et il a cité que c'est un ثقة c'est une personne de confiance celui qui veut lire sa biographie il revient à ce livre. أما الشيخ ابن عثيمين قال لم أطلع عليها قال ولا أعلم نوع البدعة المذكورة بعضهم ذكر أنها بدعة خلق القرآن اعتقال أن القرآن مخلوق. قال والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم هذا المهم سواء عرفنا الرجل أو ما عرفنا أو ثبتت القصة أو لم تثبت أي من حيث الإسناد المهم أن مضمون القصة طيب فنحن نستفيد من القصة. تنبيه أن الأصل في منهج أهل السنة منهج السلف ترك مناظرة أهل البدع هذا هو الأصل فلا تفهم من كلام شيخ ابن عثيمين ومن كلام ابن قدامة أي سياق هذه القصة أنك تناظر أهل البدع بلا حاجة بلا ضرورة أبدا. طريقة السلف مجانبة والترك ou à Hajr Ahl al-Bida. Enfin, tu ne comprends pas de Hada. Tu vas comprendre la Qissa. Tu sais comment Matalan bloquer ce Mubtadi'. Tu sais les questions qu'il faudra lui poser. Et tu vas là. La ta'man ala nafsik. Tu vas lui poser des questions, il va t'en poser aussi. Qad yaqul qa'il falimadha? Falimadha nadhara al-Imam Ahmad rahimahullah ba'd ahl al-bid'ah aw al-adrami limadha? Qad yaqul qa'il hadha. تقولون الآن أن أهل السنة لا يناقشون لا يناظرون أهل البدع، فكيف الآن إمام أحمد والأضرمي؟ من عنده جواب؟ On peut dire الآن pourquoi alors l'imam Ahmed ou al-Adrami si la Qissa est صحيحة pourquoi ils ont polémiqué avec هذا المبتدع et ils ont eu le dessus والله الحمد لله العلماء لكن ما الجواب؟ مصلحة إذا اقتضت مصلحة والرجل على علم هناك جواب أحسن. جاء رجل عند الطاووس رحمه الله قال له أجلس أناظرك قال إن جلست أقوم هكذا أئمة السنة. الإمام أوزاعي جاء مبتدع من المبتدع يريد يقرأ على القرآن إلى بوشة زغي قال آية قال ولا نصف آية. فعلماء السنة يكبه لكن في هذا الحال أحسنت. N'oubliez pas que cette histoire, c'est avec le gouverneur. Al-Imam Ahmed, là, il est en prison, il n'a pas le choix. Obligé, il lui emmène des personnes, obligé, répond à ces questions. C'est daroura là. Al-Imam Ahmed, là, il est en prison. Fa'anta, qad yaqa' lak hadha. Matalan, fi bilad, tusjan, thumma labud min munadhara, fi ba'd al-umur. Anta fi sijn. Fa'al-asl, tark ahl al-bid'a, la tujadil ma'hum. Kam min al-nas, dakhalu fi al-munaqasha. بلا حاجة لا يوجد الضرر لا يوجد ضرورة أبدا دخلوا يريد مناقشة فلان ابتدع. الإمام الغزالي كما تقدم قرأ كتاب الشفاء لابن سينا الشفاء نورمالمون سون غيريزون إلي تومبي مالاد. عمران ابن حطان الخارجي تزوج بخارجية نصحوه قالوا لا خارجية اتركها قال لا سأتزوج بها إن شاء الله أنصحها ترجع إلى السنة. هي نصحته رجع إلى مذهب الخوارج. مرأة عمران بن حطان له رواية في صحيح البخاري إذا سمعي أبيك ستفامي سيقابل فاترك أهل البدع. إذا علمت أنه يريد الخير وتعرفه ادعو له لا تناقش معه لكن في سجود ادعو له أحسن أنفع. أما المناظرة خاصة بلا علم تضر. رحمه الله وقد بنى الأدرمي رحمه الله مناظرته على مراحل ليعبر عن كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفهم خصمه. قال المرحلة الأولى العلم فقد سأله الأدرمي هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه؟ قال البدعي أي المبتدع première مرحلة première étape si un jour t'es contraint à répondre ça peut arriver. Il te cite une bid'a. Maintenant, le Coran il est makhlouq. Le Coran il est créé. On sait que c'est la parole d'Allah, il n'est pas créé. Awalan, tu lui dis, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam savait que le Coran il était makhlouq? Tu vas avoir deux cas. Il va te dire oui ou non. Qala al-bid'i, lam ya'lamouha. S'il te dit non, il te dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas que le Coran il était makhlouq. Tu lui dis, comment tu prétends à savoir une chose que le Nabi ne sait pas? Al-An, c'est grave. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est appuyé par le wahi. Et il nous a montré le din. Balagha hada din. Tu trouves wahid, il dit, il ne sait pas et moi je sais. Qal lam ya'lamouha. Wa hada an-nafi yatadamman intiqas an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa khulafa'ih. Haythu kanu jahilin bima huwa min ahem umur al-din. Wa ma'a dhalik fa huwa hujjatun ala al-bid'i. Id kana la ya'lamouna wa lidhalik intaqala bihi al-adrami ila. Dès qu'il te dit an-nabi ne savait pas, tu lui dis l'Inde, tu prétends savoir une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas. Tu es en train de diminuer la manzila, le rang du prophète alayhi wa sallam. Ah là, c'est grave l'Inde. Dès que tu vas lui dire ça, automatiquement il va te dire là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il savait. Qala al-marhala tu idha kanu la ya'lamunaha, fa kayfa ta'lamuha anta? Hal yumkin an yahjub Allah an rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa khulafaihi ar-rajilin ilma shay min ash-shari'ah wa yaftahu lak? Deuxième réponse. Deuxième réponse, on l'a cité là. Si il prétend connaître une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas, comment Allah subhanahu wa ta'ala il t'a facilité, toi tu connais, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas. المرحلة الثالثة الآن troisième étape il va changer l'un de discours il a été bloqué. قال إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم أي أمكنهم أن لا يتكلموا بذلك ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ الآن هذا المبتدع سيرجع سيقول خلاص النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك، فإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لماذا ما دعا الناس إليه؟ لماذا ما قال الناس القرآن مخلوق؟ قال الشيخ العثيمين قال فأجاب البدعي بأنهم وسعهم السكوت وعدم الكلام. المبتدع يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن يستو، فأنت تقول تتوى كذلك. قال بأنهم وسعهم السكوت وعدم الكلام. فقال له الأدرمي فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لا يسعك أنت؟ أي تبخطك النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوشت شوز إلى بابلي، لماذا تتغطى إيسي؟ قال فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب انسد أمامه. قال فصوب الخليفة رأي الأدرمي ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسعه النبي ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه. وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلا بد أن يكون مآله الانقطاع عن الجواب. المبتدع صاحب باطل يصعب لجد بلوكي لأنه إلي على باطل، لكن سيد على علم لا بيرسون كي بوليميك avec lui. أما المصيبة بعض الناس يناظرون أهل البدع بلا علم، وفي هذا الحال يضر نفسه، لأن يعني الإجابة من خواك المبتدع على حق أكل ده هذا الجاهل. فالإنسان يبتعد من هذا، يبتعد من هذا ويدعو الله سبحانه وتعالى السلامة والثبات، إلا إذا ألجأ إذا ضرورة إلى بالشواء ففي هذا الحال يستفيد من هذه القصة. ريفيزي لاي دوما بإذن الله إن شاء الله on verra si vous avez compris. Révisez les étapes. Première, العلم. S'il dit oui, s'il dit non, comment tu prétends connaître une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam connaît? S'il dit oui, comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas appelé? Tu vas par étapes, bi'idnillah, ça sera très simple. Man inda wishkal? Subhanak Allahumma bihamdik, shadu an la ilaha illa anta.